passé, seul passage, si j'échoue, je sais ce qu'ils vont dire. Mais maman, t'inquiète pas, je suis déter, ça passe qui arrive. Je reviens de loin, tellement loin, j'ai plus de place pour eux dans ma vie. C'est trop noir, et crois que je vais l'allarger, mais c'est pour la vie. J'ai deux, trois prières pour la vieille, tant que ça rentre, je fous ton avis. Ça barrage, m'occupe mes affaires, mental de nous, je suis dans la vie. Je suis dans le mal, j'ai trop de frères, qui sauront pas ce qu'on a fait. Mais faut pas que je m'arrête, la fin du film sera parfaite. Et on le fera pas à pas, même quand ça va pas, on fera les comptes à la fin. C'est parce qu'on est à pas, que de temps en temps, on fera les comptes à la fin. On regarde la vie quand même, pour relever les penses cayennes. On l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Mage en l'air, plus jamais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein. Cocolien, on ira cocolien. À cocolien, coco cocolien. À cocolien, on ira cocolien. À cocolien, coco cocolien. On démarre, on veut tout le bif, tout et tout de suite, c'est le deal fils. De main en main, on fait du bénéfice. De la maman, je suis le king fils. C'est pas Gérard, c'est les tranchées. D'un année, on allume les branchés. Tu peux nous voir rouler dans la ville. En Afrique, on fait jamais du bruit fils. Tu sais, et on le fera pas à pas, même quand ça va pas, on fera les comptes à la fin. C'est parce qu'on est à pas, que de temps en temps, on fera les comptes à la fin. On garde la vie quand même, pour relever les penses cayennes. On l'emportera pas, c'est vrai, mais je suis un humain. Mage en l'air, plus jamais on perd. On arrêtera le jeu quand on sera plein. Cocolien, on ira cocolien. À cocolien, coco cocolien. À cocolien, on ira cocolien. À cocolien, coco cocolien. Cocolien, coco cocolien. À cocolien, dinguerie. Au calamar, le verre.